La voie dans laquelle je circule s'élargit plus loin pour stocker à droite les usagers qui tourneront. Le cycliste roule contre la ligne axiale. J'ai assez d'espace avec le cycliste pour laisser un intervalle latéral d'un mètre minimum. Je ralentis bien sûr, parce qu'on ne peut jamais prévoir les écarts des cyclistes, et je le dépasse prudemment par la droite en veillant aussi à ce qu'une portière d'un véhicule garé ne s'ouvre pas. Réponse A et C.